Money AP Productions. Ah. Je vais clasher là. C'est des tubes. Je connais des meufs qui ont plus de couilles que toi. Je connais des gosses qui ont plus d'oseille que toi. À mon niveau, ma gueule, jamais t'y seras. T'es pas de la rue, t'es pas comme nous, jamais t'y seras. Je connais des meufs qui ont plus de couilles que toi. Je connais des gosses qui ont plus d'oseille que toi. À mon niveau, ma gueule, jamais t'y seras. T'es pas de la rue, t'es pas comme nous, jamais t'y seras. T'es qu'une salope connaissante, tu te caches derrière ta musique. Dans la rue, on t'a jamais vu. Imaginaire et ta clique, on tire dessus, personne t'encrête. Cousin, t'es inutile, t'as pas de flow, pas d'oseille. T'es qu'un clébard qu'il faut qu'on pique. Tu lances tes piques, mais t'as rien dans le concert. T'es pas ta street, t'es personne. Et fâche tes Nikers. La prochaine fois, si t'en place, ou va niquer ta mère. Quand tu nous croises, tu baisses la tête, on va te monter en l'air. T'es qu'une salope, t'as rien dans le froc. Ouais, t'es pire qu'une meuf. Tu peux pas nous stun, on a les clubs. Toi, tu donnes tes seufs. Baisse les yeux devant le boss. Grosse pédale en slim. J'suis gangster en la cause. T'es qu'une pétasse en string.